Ce panneau d'indication signifie que je vais quitter une zone dans laquelle le stationnement était payant et à durée limitée. En l'absence de toute autre indication, j'en déduis qu'à partir de celui-ci, le stationnement est autorisé et gratuit. Réponse B.